16.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du deuxième personnage. 1. Écoutez. Où est-ce qu'il dort ? Elle vient de partir par là avec son bateau. Elle vient de partir par là avec son bateau. Elle vient de partir par là avec son bateau. Et maintenant, c'est à vous. Où est-ce qu'il dort ? Deux. Écoutez. Est-ce que vous connaissez le Pays Basque ? Je connais un peu. L'été dernier, nous sommes allés à Saint-Jean-de-Luz avec mes parents. À vous maintenant. Est-ce que vous connaissez le Pays Basque ? Écoutez. Mais pourquoi vous me demandez ça? J'ai envie d'y aller. Ma mère en parlait souvent quand j'étais enfant. Et maintenant, allez-y. Mais pourquoi vous me demandez ça? Écoutez. Et vos grands-parents, où sont-ils maintenant ? Ils sont morts tous les deux. Ils sont morts quand j'avais 9 ou 10 ans. Et c'est à vous. Et vos grands-parents, où sont-ils maintenant ? Écoutez. Je vais aller chez les Courtois demain. Vous n'avez pas envie d'aller les voir demain par hasard? Oh non, demain je ne peux pas. Je dois aller à Chartres. Et c'est à vous. Je vais aller chez les Courtois demain. Vous n'avez pas envie d'aller les voir demain par hasard? Écoutez. Mais dites-moi, avec qui chaton vous appelez-vous? Robert Taylor. Aucun rapport avec l'acteur. Et vous-même? Et c'est à vous. Mais dites-moi, avec qui chaton vous appelez-vous? Thank you.